chat que mon break avale. Les marches jaunes de cet escalier en pointillé. 4 heures déjà que je dérive. À 120 à l'heure, en liberté surveillée. Entre les rails de sécurité, la lumière des diodes n'efface pas le brouillard devant mes yeux. Peut-être est-ce la brume du petit matin, cette autostoppeuse qui sentait bon le shampoing. Je perds le contrôle de ma conduite intérieure. Je perds le contrôle de ma conduite intérieure. Itinéraire trop ordinaire d'une relation. Itinéraire trop ordinaire d'une relation.